sûr de silo hint à Brezonek. C'est l'heure de retrouver hint à Brezonek. Bonjour, vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek. Alors comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué, l'émission 371 pour aujourd'hui. Voilà, Trihan Onega Triugen. J'ai pas osé. Trihan Onega Triugen. Alors aujourd'hui, j'ai pensé parler d'un mot qu'on n'utilise pas vraiment tous les jours dans la vie courante. C'est Anken. A-N-K-E-N. Moi je sais ce que ça veut dire. Et tu vas nous dire alors. Terrifié. Oui, enfin c'est ça, c'est l'angoisse, hein. Le mot Anken lui-même, c'est l'angoisse. C'est pas un adjectif. Voilà. On traduit par angoisse, mais c'est pas tout à fait l'angoisse. C'est à la fois l'angoisse, le chagrin, et même dans certains cas, ça peut être la faim aussi, hein. Dans le Trégor, par endroit, on dit Ankenmeus, c'est j'ai faim en fait. Ils ont des gros estomacs dans le Trégor. Voilà, bah, sans doute, oui, hein. Dans le Kreisbrech, j'ai jamais entendu cette forme-là. Mais dans Jules Gros, il parle et il donne des exemples. Tapon tambar a de dor yon anken. Prends un bout de pain pour casser la faim. Voilà. Alors, ailleurs, c'est plutôt quelque chose qui est entre l'angoisse et le chagrin. Par exemple, dans Undurzunel, dans la chanson Undurzunel, on dit Gueldemes au vervel un durjunel yowang disait pisi halond gande boine nanken. Donc j'ai vu mourir la jeune tourterelle, le cœur desséché par la peine et l'angoisse. Et l'angoisse c'est le chagrin en fait. Hein. Voilà. Donc des sens qui ne correspondent pas tout à fait au mot angoisse en français. Alors à partir de Anken, bien sûr, il y a des dérivés. Hein. Par exemple, Ankenian ou Ankenin, c'est le verbe donc angoissé, terrifié. Hein. Voilà. Et alors le participe passé justement, Ankeniet, veut dire angoissé. Hein. Ankenye don ganzi, hein, je suis angoissé par ça. Voilà. Ankenye don ganzi. Alors, bien sûr, ankenius, hein, qui veut dire angoissant, quelque chose qui est angoissant, qui va provoquer la peur. Alors évidemment, on fait le contraire aussi avec le préfixe di. Un jour, on fera une émission là-dessus. Peut-être même qu'il en faudrait deux parce que avec di, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Hein, puisqu'on peut faire tous les contraires possibles, imaginables. Le breton est très souple hein, pour créer comme ça des mots. « Die Anken », ça veut dire « sans peur, sans angoisse ». Sans peur et sans reproche, comme Bayard autrefois. Hein. C'était un garçon qui était « Die Anken hein. ». Il n'avait peur de rien. Voilà. Alors, on a vu « Ankenius », donc qui est angoissant. Donc, on va avoir « Die Ankenius ». Quelque chose qui est rassurant au contraire. Et un verbe aussi, hein, di ankenyan, qui va être rassuré, ou di ankenin, hein, selon les endroits, qui est donc rassuré, tranquillisé. Alors, donc j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir le sens de faim également. Hein. Y a, à Guingamp, il y a un endroit qui s'appelle Porzanken. Alors, c'est peut-être Porzanken au départ. Hein. Mm-hmm. Alors on raconte des tas de choses hein, sur cet endroit qui a été un endroit où on attendait de passer au tribunal. Enfin bon, il y a plusieurs explications possibles. Hein. Porzanken. D'accord. Voilà, j'ai souvent été à des réunions à Porzanken sans éprouver la moindre angoisse. Voilà. Et ben on va terminer sur Porzanken. D'accord Henri, merci. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezonek t'en m'attend. Thank you. Deuxième partie d'émission, Brisonnec t'en m'attend. Oui, alors comme c'est la première émission de 2013, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant d'utiliser cette petite plage de quelques minutes pour vous présenter nos vœux. Hein, c'est l'époque. Et on dit... le Blavesmad, hein, c'est quelque chose que tout le monde connaît, même les gens qui ne sont pas bretonnants. On entend ça partout, hein. Blavesmad, même en Haute-Bretagne, hein, en Pays Gallo, ils ont adopté Fesnons et Blavesmad. Hein. Donc voilà. Alors, autrefois, et même ça revient un peu, on entend cette chanson-là qui revient sous des formes parfois un petit peu différentes. On allait de maison en maison pour chanter la chanson du Nouvel An. Hein. Blavesmad, un durentiment, Blavesmad, igondoué. Aventure vater et yowang de rigos pres polité. Donc, on souhaitait à chacun ce qui pouvait lui faire plaisir, c'est-à-dire pour les jeunes, des aventures, hein, amoureuses, bien entendu, et pour les anciens, qu'on considère ne plus pouvoir avoir des aventures de ce type, eh bien, la prospérité. Donc, s'enrichir pour les anciens et puis avoir des aventures pour les jeunes, voilà. Alors, bien sûr, c'était, hein, il y avait toujours l'aspect religieux, Blavesmad Digandoué, hein. Mm-hmm. D'ailleurs, dans les formules, il y avait aussi Eubarados Finopu et M'avait volonté doué, hein, le paradis à la fin de votre vie, si c'est la volonté de Dieu. Donc, il y a toujours, évidemment, la religion. Mais le jour de l'an était quand même une fête plutôt profane, hein, mm-hmm. Plutôt que une fête religieuse, hein. Noël était vraiment la fête religieuse et le jour de l'an on se lâchait un petit peu plus, voilà. Donc on faisait le tour, on allait voir les personnes plus âgées que soi en général et on faisait le tour et puis c'était une journée en général bien arrosée aussi, quoi. Voilà. Alors Blavesma, donc c'est un mot un peu emblématique, un peu comme Yehamad aussi, hein. Il y a des mots comme ça qui sont connus de tout le monde, hein, dans le pays. Même des gens qui ne parlent pas le breton ou qui ne parlent pas encore. Alors, nous allons plus exactement souhaiter un petit peu la bonne année un peu à tout le monde. D'abord à l'équipe d'RKB, c'est-à-dire les salariés, les bénévoles, les gens de l'association, tout ça, qui ont créé et qui continuent à faire vivre cette radio depuis 30 ans. Cette année, on va fêter le 30e anniversaire de l'émission, parce que l'association avait été créée 2 ans avant. Le temps de mettre tout en place, ça avait pris à peu près 2 ans, et puis ça avait commencé donc à émettre au mois de mars, par là, hein. Voilà, en 83. Et donc, on va fêter dignement, bien sûr, cet anniversaire, hein. On a toujours des anniversaires à fêter, c'est ça qui est sympa. Voilà. Alors, bien sûr, Blavesma de Chiloérien, hein. Bien sûr, la bonne année à tous ceux qui nous écoutent. Hein. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent parce que il y a ceux qui écoutent dans le petit poste et puis ceux qui écoutent sur Internet. Et donc, il y en a sur tous les continents. Donc, hein, qui aurait pu penser ça il y a 30 ans, on pensait pas à ça. Hein. Voilà. Donc, également, Blavesma d'Orbrezon, qui a des Evena d'Orbreiz, hein, une bonne année pour le breton. Et à la culture bretonne. Bon, là, c'est peut-être un peu paradoxal de souhaiter une bonne année à une langue aussi persécutée que le breton, mais enfin, on peut espérer qu'un jour... On peut garder espoir. Ce qui s'annonce, ça n'a pas l'air folichon quand même. Mais enfin, bon, on a parlé de signer la charte des langues minoritaires, mais bon, je sais pas si ça se fera. Moi, je suis toujours prudent dans ces histoires-là. Dans la loi de décentralisation qui s'annonce, apparemment, il n'y a pas grand-chose pour le pouvoir, pour les régions. Donc, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à attendre. Donc, je pense qu'il faut surtout compter sur nous-mêmes, hein, pour tout ça, quoi. Bon, il y a eu quelques petites avancées. Il y a eu, par exemple, la reconnaissance du Fesnons par l'UNESCO. Bon, c'est des petites avancées, mais évidemment... C'est pas grand chose par rapport à ce qui serait nécessaire. Voilà. Blavesmad tenol, Blavesmad en dud en vro, Blavesmad en dud en dud, Ménérfine. Merci Henri, Blavesmad d'art. À d'art, Thiemedel. troisième partie d'émission, Petra Zonévé, Ervo, Eri. Petra Zonévé. Herbla déjà, hein, plusieurs on trame de The Black Cause d'Herbla Neve, vraiment et lancement d'un travail, on baille ma Blada Ouville Trizek, hag Zelta, Trizek là où a l'air Blada Ouville, Pewen Kanfer, Pewen, ya Pewen Kanfer, Vigé Comze de The Blada Ouville, Vez Zon Dra, Pel, au bien trop vigé l'art de Zabla Deauville, l'art vigé bé d'Otoyo, Nijal, avec vigé bé morgue d'une grande pilule, où y a un peu sort trop vigé l'art, à Bénéfine, même bestra avait leur chance, n'est que bé condis, un Otoyo, où je chôme ou à Rendouar, déjà une dangereuse ou à Ardis, ma hef, un de Nijal, me fait bé pelgoisseur, avec leur chance, un homme que morgue grande pilule, hein. Plusieurs à même ce half emblar un dune de glace mûr dit bitrou nature vraiment à grand signe un trou ben tuel de spézoa béjon jardin bon comme ça mon temps de ce vel qui s'accustume de ce l'arbre douar à de se revue et voir armées vie pézezel de ce l'arbre douar ben pentient en blanc vos comme ce calse de ce vota dégoût et vite comme chou et l'arbre douar hein, puis tu vas grêter blanc-mont, à que pep département, zo listé nous voir rank, pépini, rayé choix, vraiment, à que vos gueules, hein, quand piou, vous êtes en mode, avec de vos ratcombs de zip, et vous, puis vos guards, quand piou, vous êtes, en mode. Ouar, dashen de l'arbre doux, André Vras, ne y a que rêva d'un trou, à zézo gure, vit tout de, tout d'un temps chez nous, hein, d'un square, prise en boîte, zo être case ou à croire, hein, puis dire, prise, un aide, hein, un trouvé là que, bah, boîte mort, hein, bah, boîte, long de, boîte chat à l'drévras, zo être case ou à roc, hag, prise long de, ne ce que cresque tiemet, c'est tu, bonne, vais, zo ressort zizaï, hein, vide, hag, zaver yon long de, zo tape, bah, zizaï, hein. Ag, bon, si tu veux gonner une neptoréane, hein, quand, j'avais rien de long, le drévras. Ag, warant que pis sa mode, vos galles dans le mes de ses affaires. Pas de blas de zone, zuroir, vos combes de calce de zor pack, hein, puis dur, bon, zone tamma de jèche blé, oise quand brouillou beau repas, waranda chenze. Ag, combes de vos yves calce de ze lèse, puis dur, bah, blas d'auville pemse, qui sens de vous déchu une grande hotaille. Rotaillo ou à Bélac de place, bah, bla, père à Pérugen, hein. Ag, sans se voir échu quand de Rotaillo, ag, vos red card, en mode penec d'elle, vite chou là d'un trou, qu'à Zuroir, vos terres d'un trou. Bacarès, bonne, zo spim, mestra, hein, peut dire, de ce que voit le belzo, zo bézi de don Emglev, très, leur stall de ce brochine, sinutra, ag Erstrol Sodial, arme, Vidor Touriou de Zéro Lès, a de gaz Lès Zéro et Zé de Brochina, vide Poupigou Brochina, ag c'est usé au fin du soir, hein, ag Hervé Clède, vos tramènes de ban Touriou Zéranzin, Wardro Ace Dragon de Lès produit de Brice, piso Bras, même Strog, ouais, Guelvo, pisa Maud, vos comptes. Ville économie est œuvre, Hendel, une économie est très vraise, Zuroir, ne vaut que de Gualvard à jeu, Babla de zone. Spi, meuse, me mestra, vaut moyenne de rey l'arbre de rayon, puis dur, gagne rayon, il veut justement, en besoin de zone d'œuvre. Wardachen, politiqueres, comme se fait déjà de ze raktres nitron de le branchu, vide, une digre zénon, puis j'ai houndé un acte tri un degré zénon. Bonne de spes mes bicleve da de spes veguel de beta vraiment ne vaut que calze drab ba les en devis dreistol vid de rendre vroyou nag vid zevina du rendre ne vaut que calze dra di pite de bras et un dileni di un udb à garelas puis yo wa hotas mahad on dra venait que mur. Mais de mi un homme que gual dipite grandit puis dur voir un noir vigé que d'être gual hier un trou Puis dur, PVZ le demande, alors potier zitron de le branchune, ce que calze galoud, banaforze, mais de la cadizina dur balos de papa. Dis ce véconde, quoi, herminis de la cadizina dur balos de papa. Mais là, pour végrette, quand tu d'un inque rendave et gandendu, reste au fonctionnaire yon huel, ag, reste ra là pour drésindon, ag, reste et veljus, n'en qui rentre de gaz galoud de, l'erhel, les rêves vivent à Paris, ma Paris, ma Argalout. Un uncle one de rêve de mieux Argalout, ma personne de réseau bas rendroyou. Au yon de moi, zo était en langue vraiment. Ag, Hinsegan et Alice, Argano, et la Vigélard, Adbars, Napoléon Bonaparte, zo, mes basines, France. A zizo, devant la Waller, zizo Guiros. Un peu, tous pesso belac de, ose de lac wardrobe, grande Bonaparte, zo chombeda. A bénéfine, pv, kishen oberolis, dis, se vegouelet pesabo vegret. Vegret, grande, velmes lartarp, pédo bras, hein, fonctionnaire hul, mais tu d'un inque renove, grande nud. Avec jonge des grande nid, les nidim, en heure, galou d'agé des cugures tombées. A se vegouel, roise, hein. Walzo birois, un affaire, ze grande, cusul, pis un mot de cusul vondreis, pis cusul lesenstur, conseil constitutionnel, ra, bénéfine, pis de swan, mames m'avait vote d'un trou, zé vegueled, hein, Alice. Ag, zuroir m'avait classe de zin en garta vil en braison, vos discards de gand cusul vondreis du stu. Dis ce vécon. Bon, vide comme son temps de ce blat passé d'arrêt de ce blat 3 minutes blat de Vildose calze drose au bigred hein même strog en un du de vro quand kevridig et joueur vro da square là pour au bigred quand dastum vide là qu'à leur fesse nonze ou à rol glad or bait quand un UNESCO vide or braison ne et vel juste ne ce que bigred calze dra or blat 3 minutes ag de grédant que vous grède calze dra de blat de zone. Ma treize en taille or vich penek et ne veom zor a brezon neg me, ne ket blanc ma vo zur war. Bon, hendel, pesamo na han pe pu dur la an neus ket ne tra de rotas, gant piou zo trao de rotas na han. Ba ganim, hein, ganim, un du de zo labour an en dro de brezon neg zizo koz benefin, vegret kalz dra ou braiz gant kevri li gejou, war peptach en zo, war un endro, war zevinad, war brezon, war zoneraz, hag e c'hed zikour kevri li gejou ze, evit der an mon war og. Pevelan da skoer, tu de skolidi, hein, o stourm vil an brezon, ben ur skol beneket, hein, vel zo begwel, da, bon, un tam pebler braiz, pevel an potre de amer d'Aïta a war an dachen, tu nag zo labourad, de storm difels, bon, ze ra un tam speed in me mestra war an amzor de zon. Jusmat, pu jor an komz de strolad ou dis, blam ba vo lid de tregond vet de abla RKV, ag zezo on tom ur burzut pe vejon je pe sambod oa be lan se dze tre gond lasso gant tu de bon tu de youlvan men oa ren fien de gwalger petra oa radio na pe sambod me mond ren oa ro a lan se doa be de radio ag bon vejo e bester den tro vejo gant ne kude nou er an kude nou bopsa me benefin de zder de radio ag Zeg avant me mestra, on dra plus juste. Ag, bon, gwellet vo, comme je vo de si, des benek, roise, hein, vidlar d'un temps d'un dut, pis sa mode vo gret. Hendel vi déchu, vi comme son temps de ze braison, ne roise, des vaisseaux, enfin, de ce que gwell belzo, ar, d'aupetri des sauts, et aide de nan an, une, Albert Bocher, ag, his ma treize, un peu se bête, trop de chilo, réabadé, nous, ar, RBG, avigé, Hatskin, Yoloir, RKB, hag a hezen eus bet studio kalz ar Yezou, hag a reabadeen o ar brezon eo, an tamvel gerioù ar vu, e a se, am oa kalz oblijad eo rechila ou nan. Hag a eo a c'hwer la perugen, a jeo a se et den an an, a se zo ur gwalgol ka plus justri eo a chila ou nan, hag diske vije kalz e draou gantan. Bon, c'est tu même grand on tombe trop de spessonné à l'art en d'une roise blavesmat en ol de Chiloerien à Tienorvégel.